effectivement que va se reconstituer d'une certaine manière un petit nombre d'universités de recherche, mais au prix d'un gâchis absolument considérable par rapport au capital intellectuel actuellement disponible, mais aussi par rapport à la façon dont nous aurons formé toutes ces générations au cours des décennies qui viennent de se passer et qui vont se développer dans les années qui viennent. C'est-à-dire que aujourd'hui, les meilleurs étudiants, de fait, ne se trouvent plus confrontés à l'enseignement universitaire, à un enseignement lié à la recherche. Bon. Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. C'est pour ça que, comme je te le disais, Annie, je suis d'accord avec ton analyse globale, mais je crois qu'il faut prendre en considération la voie française spécifique qui est liée à cette histoire et qui nous pose des problèmes spécifiques, qui fait que par rapport à, je veux dire, y compris dans le système américain très segmenté, on peut trouver de la place pour, même avec des financements privés, des espaces résolument non utilitaires, de moins en moins. Mais ça fait partie. On est en train de supprimer aux États-Unis massivement les dépenses de philosophie, d'histoire, de littérature, de langues étrangères. J'entends bien. Et je veux dire, dans le système français, c'est plus simple. On n'a plus d'étudiants à mettre devant. Comment ça, faut pas exagérer. Vous savez combien d'étudiants en première année de philosophie à Nanterre? Combien d'étudiants en première année de philosophie à Nanterre? Très bien, prendre un exemple. Et c'est pas un exemple, c'est partout pareil, vous le savez bien. C'est exactement, excusez-moi, je reprends le mieux, c'est exactement ça. Nous n'avons plus d'étudiants, c'est pas grave si on ferme des départements, mais c'est ahurissant. Je n'ai pas dit ça, Mais c'est la logique de votre discours. Mais ce n'est pas la logique de mon discours, mais à quel niveau faut-il que nous descendions? Effectivement, on vient à Nanterre de fermer le département de russe. Bon, je veux dire, le problème, effectivement, si j'extrapole par rapport à la situation présente, dans 10 ans à Nanterre, non seulement il n'y aura plus de philosophie, mais il n'y aura plus d'histoire, il n'y aura plus de sociologie. Mais non, mais donc il y aura la moitié des universités en moins, de toute façon. Non, mais ça se posera pas. Nous ne pouvons pas, ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas nier cette réalité. Je veux dire, si on veut travailler ensemble à modifier la situation, c'est pas en niant cette réalité. Non mais pardon, mais il y a des éléments qui sont à prendre en compte. Nous y passerons parce que nos conseils d'administration seront contraints par la fongibilité asymétrique de couper des branches. Et ça, si on ne parle pas de ces questions-là, on ne parle de rien. C'est pas le problème de savoir combien il y a d'étudiants dans les amphis, c'est le problème de la contrainte technique budgétaire qui est en train d'asphyxier les universités. Vous m'excusez, mais ma conception de l'État fait que malgré tout, à un moment donné, je considère que c'est lié. Oui, c'est-à-dire que je ne vais pas arriver à une situation où je vais avoir à Nanterre, par exemple, autant d'enseignants-chercheurs en philosophie qu'il y aura d'étudiants. Ce n'est pas possible. Donc on voit bien quand même qu'on ne peut pas se contenter de regarder ça en termes de normes de gestion. Il faut faire en sorte que la philosophie redeviennent désirables parce que c'est nécessaire à la formation intellectuelle des jeunes Français. C'est ça que je veux vous dire. Mais voilà, mais c'est ça le problème.